إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le hadith numéro 3 dans l'explication des 40 hadiths al-arba'un al-nawawiyya. 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, puis le cours aujourd'hui c'est le cours numéro 12. Donc on va lire ensemble le hadith numéro 3. Ok? Puis c'est un hadith qui explique les 5 piliers de l'islam. Le Cheikh dit: Wa an Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma qal, qal à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bunya l'islam ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Donc c'est un hadith rapporté par Abdullah ibn Umar, le fils de Umar ibn al-Khattab radiallahu anhuma. Et puis il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam a été bâti sur 5, c'est-à-dire 5 piliers. Le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, ça c'est le premier. وإقام الصلاة l'établissement de la salat, ça c'est le deuxième. وإيتاء الزكاة de donner la zakat, والحج et صوم رمضان. Donc ça c'est les 5 piliers de l'islam et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le cheikh il va nous expliquer qu'est-ce que ça signifie ce hadith en résumé. Donc il dit: هذا الحديث كالحديث الذي قبله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيان أركان الإسلام، إلا أن هذا الحديث فيه زيادة، وهو قوله بني الإسلام على خمس. وفي حديث عمر قال: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. فظاهر حديث عمر أن الإسلام هو هذه الأركان الخمسة فقط، بينما هذا الحديث يدل على أن هذه الخمسة ليست هي كل الإسلام، وإنما بني الإسلام عليها، فهي مبانيه وأركانه، وإلا فالإسلام كثير، والأعمال الصالحة كلها من الإسلام، الواجبات والمستحبات، وكل الطاعات وترك المعاصي، كل ذلك من الإسلام، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فعد كف الأذى من الإسلام. فالإسلام واسع، ولكن هذه الخمسة هي دعائمه وهي أركانه وهي مبانيه وهي مبانيه مبانيه التي بني عليها، وبفقدها أو فقد شيء منها لا يكون الإنسان مسلما الإسلام الحقيقي. أما بقية الأعمال إذا فقد منها شيء منها فإنه يكون مسلما، ولكن يكون إسلامه ناقصا بحسب ما ترك منها. Donc le Cheikh explique, il dit que ce hadith, il est semblable au hadith qu'on a mentionné précédemment, c'est-à-dire le hadith de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, dans lequel il y a clarification des 5 piliers de l'islam. Sauf que dans le hadith en question, qu'on est en train de lire maintenant, il y a quelque chose qui a été rajouté. Il y a quelque chose de plus. Et ce plus-là, c'est quoi? C'est la mention du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que l'islam a été bâti sur 5. La différence, c'est que dans le hadith de Jibril qu'on a lu dans les cours passés, lorsque Jibril pose la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, akhbirni anil islam, donne-moi l'information ou informe-moi au sujet de l'islam, Eh bien, il répond en disant que l'islam, c'est de témoigner de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah jusqu'à la fin du hadith. Donc, il lui explique les cinq piliers de l'islam, puis il lui dit c'est ça l'islam. Donc, ça c'est dans le sens apparent du hadith de Omar que l'islam, c'est uniquement ces cinq piliers-là. Tandis que dans le hadith qu'on est en train de lire maintenant, ça nous indique autre chose. Ça nous indique que l'islam, ce n'est pas seulement, ou bien disons que ces cinq piliers-là, ce n'est pas l'islam en entier, ce n'est pas tout l'islam, mais l'islam est basé sur ces cinq-là. Hein? Donc, c'est pour dire que l'islam, c'est pas les cinq piliers qu'on a mentionnés, ce n'est pas ça qui est l'islam au complet, mais disons que l'islam est basé sur ces cinq piliers-là. Et ensuite, il y a d'autres choses qui composent ou qui font partie de l'islam. Ok, donc il dit ici que c'est uniquement en fait sur ces cinq piliers-là que l'islam est basé et fondé. Donc il y a mabaniyuhu, c'est la construction, c'est les piliers, c'est la fondation de l'islam. Mais sinon, l'islam, elle comprend beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses que ces cinq piliers-là. L'islam ne se limite pas uniquement à ces cinq piliers-là. Les bonnes œuvres font toute partie de l'islam. Que ce soit des choses qui sont obligatoires ou que ce soit des choses qui sont recommandées, toutes les adorations, toutes les obéissances et l'abandon des péchés, tout ça, ça rentre dans l'islam. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Al-Muslim man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ça veut dire, le vrai musulman, c'est celui que tu vas être épargné de sa main et de sa langue. Ça, c'est le vrai musulman. Le vrai musulman, c'est celui que tu seras épargné de sa main et de sa langue. Ça veut dire que tu ne crains pas de lui qu'il te fasse du mal avec sa main ou avec sa langue. Et la plupart des gens, quand ils font du mal à quelqu'un d'autre, c'est soit avec leur main, soit avec leur langue. Soit avec leur main, soit qu'ils les frappent, ou bien qu'ils prennent leur argent, ou des choses comme ça. Ou bien avec leur langue, en parlant contre eux, en disant des choses sur eux, des choses de ce genre, ou en les insultant, ou en faisant du mal. Donc, avec leur langue. Ça, c'est l'exemple du musulman. Le vrai musulman, il fait pas de mal aux gens avec ça. Il fait pas mal aux musulmans avec sa langue, il fait pas mal aux musulmans avec sa main. Donc ça, le cheikh il dit ici que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a calculé le fait de ne pas faire du tort aux autres comme faisant partie de l'islam. Donc ça, ça nous indique que l'islam, c'est quelque chose qui est large, qui est vaste. Ce n'est pas uniquement les cinq piliers de l'islam. Les cinq piliers de l'islam, ce sont, disons, les fondations, les bases, les piliers de cette construction-là. C'est là-dessus que tout le reste est basé, mais c'est pas l'islam en entier. Le cheikh, il dit, celui dont il lui manque quelque chose de ces piliers-là, ou bien de cette construction-là, il ne sera pas un vrai musulman. Il n'aura pas un islam qui est l'islam réel complet. Ok, donc il dit, donc, ولكن هذه الخمسة هي دعائمه وهي أركانه وهي مبانيه التي بني عليها وبفقدها أو فقد شيء منها لا يكون الإنسان مسلما الإسلام الحقيقي. Donc si te manque quelque chose de ces piliers là, tu ne seras pas un vrai musulman, tu n'auras pas la vraie signification de l'islam. Mais les autres actions, si tu en manques ou si te manque quelque chose des autres œuvres de l'islam, alors, dans ce cas-là, tu seras toujours musulman, mais ton islam sera déficient, selon ce que tu as abandonné des actions qui sont obligatoires, ou bien selon ce que tu as fait des actions qui sont interdites. Donc, tu seras toujours musulman, mais ton islam ne sera pas complet, il sera déficient ton islam. Donc c'est ça. Ensuite le cheikh il dit wa qawluhu shahadatu an la ilaha illallah. Ouais, peine sur le bouton, il va rentrer le frère. Oui, c'est ça. Qawluhu shahadati an la ilaha illallah ma'naha al-i'tiqad wal-yaqin ma'a an-nutq bil-lisan لأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. صلاة كبيرة ما شاء الله. وأن عبادة ما سواه باطلة وشرك بالله عز وجل، وإن كانت تسمى آلهة ولكنها آلهة باطلة. فالإله الحق هو الله جل وعلا، وما سواه فألوهيته باطلة. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلا بد من الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، لأن العبادة لله عز وجل لا يستحقها سواه. ولا يكفي أن تعتقد أن العبادة حق لله عز وجل، بل لا بد أن تعتقد أيضا أن عبادة ما سواه باطلة. وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله، فإن لا إله نفي وإلا الله إثبات. فالنفي هو نفي وإبطال لعباده ما سوى الله، والإثبات هو إثبات العبادة لله عز وجل. فلا يكفي النفي بدون إثبات، ولا الإثبات بدون نفي، لا بد منهما جميعا. فالذي يعبد الله ولا يعبد معه غيره، ولكن لا يعتقد بطلان عبادة الأوثان والتواغيت، ويقول الناس أحرار في عقائدهم، كل له عقيدته، ولا يعتقد أن هذا باطل، فهذا كافر بالله عز وجل، لأنه مناقض لشهادة أن لا إله إلا الله، لأنها تشتمل على النفي والإثبات. الشيخ explique un point très important ici, qui est le premier des piliers de l'islam, le témoignage de la ilaha illallah. C'est la base de la religion musulmane. Sa signification, c'est quoi? La signification de la ilaha illallah, le cheikh explique, il dit ça signifie de croire avec conviction et de prononcer avec la langue que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et que l'adoration de toute autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est fausse et que c'est du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Même si on les appelle, même si on appelle ce que les gens adorent en dehors d'Allah des divinités ou des dieux, mais ce sont des divinités qui sont fausses, et ce sont des choses qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le mensonge et dans la fausseté. Parce que le seul qui est le vrai Dieu et qui mérite réellement d'être adoré, c'est Allah seul. Hein? Et tout ce qui est en dehors de lui, il est adoré en fausseté et en mensonge. Qala ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala est dit dans le verset 62, dans Surat al-Hajj, et ceci c'est parce que Allah est la vérité, Allah c'est lui la vérité, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. Et Allah subhanahu wa ta'ala est certes le très élevé et le très grand. Fala Buddha. Et donc il faut absolument qu'il y ait réuni ensemble la foi du cœur, la croyance du cœur, la parole de la langue, de prononcer cette parole avec la langue et d'agir selon cette parole avec le corps. Parce que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne mérite cette adoration-là, excepté lui. Donc rien d'autre en dehors de lui ne mérite d'être adoré. Et le cheikh explique un point très important, qui est mal compris par beaucoup de gens aujourd'hui, parmi les musulmans. Le cheikh il dit, c'est pas suffisant que tu crois que c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui mérite d'être adoré. Il faut également, en même temps, que tu crois que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est faux. Donc c'est pas juste de dire oui, Allah il mérite l'adoration, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Il faut que tu crois que ceux qui adorent d'autres que Allah, ils adorent le faux. Et ils sont en train de faire quelque chose qui est complètement faux. Sinon ton témoignage, il n'a pas de valeur. Le cheikh il dit pourquoi, parce que c'est ça ce qui est impliqué par le témoignage de la ilaha illallah. Parce que la ilaha illallah, il a deux piliers, il est divisé en deux parties. Il y a la négation, puis il y a l'affirmation. La négation, c'est quand tu dis la ilaha. La ilaha, ça, c'est quand tu dis ça, tu nies tout ce qui est adoré dans la création par les hommes. Tu nies tout ce qui est adoré par les êtres humains. Tu dis, il n'y a rien qui est adoré, ou qui mérite d'être adoré. Et après, tu affirmes, illallah. Tu affirmes que c'est seulement Allah qui mérite d'être adoré. Donc, il y a dans ça l'affirmation et la négation. La négation, c'est la négation. C'est quoi? C'est le fait de nier et de rendre nul tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tu le rends complètement nul et tu le rejettes complètement. Et tu dis que c'est quelque chose qui est totalement faux. Et l'affirmation, c'est d'affirmer que l'adoration appartient à Allah seul, et donc rien d'autre que lui n'a le droit d'être adoré ou ne mérite d'être adoré. Donc c'est pas suffisant de juste affirmer sans qu'il y ait la négation, et c'est pas non plus suffisant qu'il y ait la négation sans qu'il y ait l'affirmation. Il faut qu'il y ait les deux ensemble. Donc tu peux pas juste affirmer que Dieu c'est le seul qui mérite d'être adoré. Il faut aussi que tu nies tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et le cheikh il dit, la buddha minhuma jamian. Il faut que les deux soient ensemble. L'affirmation et la négation ensemble. Il dit, parce que celui qui dit, par exemple, moi j'adore Allah, et il adore juste Allah. Il adore rien d'autre avec lui. Et il croit dans son cœur, il ne croit pas dans son cœur que ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux. Donc il adore Allah seul, il ne fait pas de shirk. N'adore pas d'autre que Allah, sauf que il croit pas que c'est faux d'adorer autre que Allah. Il dit oui, qu'est-ce que les chrétiens font quand ils prient Jésus, c'est bon. Et les autres religions, quand ils adorent d'autres dieux, quand ils adorent d'autres avec Allah, ça c'est bon aussi. Ils ont le droit. Chacun est libre. Chacun peut faire ce qu'il veut et adorer ce qu'il veut. Toutes les religions sont bonnes. Celui qui croit ça, il est kafir. Celui qui croit ça, il est kafir. Le cheikh il dit, celui qui croit que celui qui adore juste Allah, il n'adore rien d'autre avec lui, mais il croit dans son cœur, il ne croit pas dans son cœur que ce qui est adoré en dehors d'Allah, parmi les idoles et parmi les tawarites, c'est faux, alors celui-là, il est kafir. Il dit parce que, les gens sont libres dans leur croyance, chacun a sa croyance, chacun croit en ce qu'il veut, hein, comme la liberté de croyance aujourd'hui, la laïcité, c'est ça la laïcité. L'idée de dire que tout le monde a le droit d'avoir sa propre croyance et personne n'a le droit de critiquer les croyances des autres ou de dire à propos des autres religions qu'elles ne sont pas correctes ou qu'elles sont fausses. Chacun a sa religion et puis on n'a pas à parler des autres. Donc ça c'est la croyance des laïcs et de ces gens de ces catégories-là. Nous l'islam nous enseigne le contraire. L'islam nous enseigne que c'est Allah seul qui doit être adoré, et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le faux, et on n'a pas le droit de l'accepter ou de croire que c'est correct ou que c'est bon de qu'est-ce qu'ils font en adorant d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est très important de le comprendre, et c'est pour ça que l'islam, elle est en opposition totale avec ces idéologies modernes là, qui s'appellent comme la démocratie ou qui s'appellent la laïcité ou d'autres idéologies comme ça. Maintenant il y a des islamistes, hein, qui appellent à accepter ces idéologies-là qui sont contraires à l'islam, la laïcité et des choses de ce genre. Ils sont en train de dire aux musulmans, oui, chacun a sa religion, chacun a le droit d'adorer ce qu'il veut, nous les musulmans, et on respecte toutes les religions, on respecte toutes les croyances, il n'y a pas de problème, on respecte les chrétiens, on respecte les juifs dans leurs croyances. Oui, il y en a qui disent qu'il ne faut pas faire même de prosélytisme, comme ils appellent ça. Allah musta'an. La réponse s'en vient là, à ce sujet-là bientôt, oui. Donc le cheikh, il dit que tout ça c'est faux. Et que les gens qui acceptent ces idées-là sont des koufars, en fait. Parce qu'il a contredit la signification du témoignage de la ilaha illallah. Parce que il faut que ta compréhension de la ilaha illallah comprenne la négation et l'affirmation ensemble. S'il y a juste l'affirmation, mais il n'y a pas la négation, c'est pas valable, et vice versa aussi, c'est pas valable. Ensuite, le cheikh dit, وقال وأن محمدا رسول الله لا تكفي شهادة أن لا إله إلا الله وهو لا يعتقد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأن اليهود يشهدون أن لا إله إلا الله ولكن لا يؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا لا يدخلهم في الإسلام فمن شهد أن لا إله إلا الله فإنه إلا أن لا إله إلا الله فإنه لا تنفعه حتى يصدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويطيعه فيما أمر ويترك ما نهى عنه وزجر ويعبد الله جل وعلا بشريعة محمد أو بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعبد الله بهواه ولا يعبد الله بهواه والبدع والمحدثات. Donc le cheikh explique, il dit que ensuite dans le témoignage, après le témoignage, tu dis dans le témoignage il y a deux parties, il y a la ilaha illallah et il y a la partie de Muhammad Rasulullah. Ces deux témoignages là, ça fait partie, c'est ça le premier pilier de l'islam. Donc le cheikh il dit c'est pas suffisant juste de dire la ilaha illallah, il faut que tu dises également que Muhammad est le messager d'Allah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne croit pas dans son cœur hein, le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il n'a pas témoigné de la ilaha illallah. Parce que les juifs, eux aussi disent la ilaha illallah. Mais ils ne croient pas en le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait en sorte qu'ils ne rentrent pas dans l'islam. C'est pas juste de dire la ilaha illallah. Même les juifs, ils disent ça. Même les juifs disent, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Ils le savent aussi. Et ils le disent. Le problème, c'est qu'ils ne croient pas en le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en sa prophétie. Et donc, à cause de ça, ils ne sont pas musulmans. Donc, celui qui dit « La ilaha illallah » mais la ilaha illallah » alors, ce ne sera pas bénéfique pour lui, il ne va pas en profiter, ça ne lui servira à rien tant qu'il n'a pas également cru en le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ait obéi dans ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, qu'il ait abandonné ce qu'il a interdit et blâmé, et également qu'il n'adore Allah que par sa charia. C'est-à-dire on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement par l'exemple et les lois qui ont été ramenées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on n'a pas le droit d'adorer Allah par la charia d'un autre prophète qui est venu auparavant, ou bien par les passions ou les innovations ou les choses inventées dans la religion. فلا بد من الشهادتين بأن ينطق بهما جميعا. Parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui, j'ai rencontré même des convertis qui faisaient partie de certaines sectes, et puis il y en a parmi eux qui disaient non, moi je dis juste la ilaha illallah, je dis pas Muhammad Rasulullah. Parce que ils essaient de dire comme shubha, comme si je ne vais pas mettre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à égalité avec Allah. Donc ils pensent que quand ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ils pensent que ça veut dire qu'il les met à égalité. Mais il n'y a pas aucune, il n'y a pas d'égalité. Parce que c'est deux paroles différentes. La ilaha illallah, ça c'est par rapport à l'adoration, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Puis Muhammad Rasulullah, ça c'est par rapport au message. Par rapport au message que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené, que c'est lui qui a été, celui qui nous a transmis ce message-là, cette révélation du Coran et de la Sunna. Et donc, il faut témoigner de ça pour être musulman. Si on témoigne pas de ça, notre foi, elle n'est pas valable, elle n'est pas complète. Donc, tu peux pas dire je suis musulman juste parce que je dis la ilaha illallah sans dire Muhammad Rasulullah. Il faut absolument que tu dises Muhammad Rasulullah, sinon ton islam ne sera pas accepté. Le cheikh dit فَلَا بُدَّ مِنَ الشَّهَدَتَيْنِ بِأَنْ يَنْتِقَ بِهِمَا جَمِيعًا أَوْ يَنْتِقَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَتَكُونُ دَاخِلَةً ضِمْنًا. أما إذا قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله ولكن لا أشهد أن محمدا رسول الله فيقال أنت كافر بالله عز وجل ونقضت شهادتك أن لا إله إلا الله لأن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم فإذا كفرت فإذا كفرت بالرسول صلى الله عليه وسلم كفرت بالمرسل لأن الإيمان بهما متلازم. الشيخ يقول donc il faut que tu fasses les deux témoignages ensemble hein, et que tu les prononces tous les deux, que tu dises la ilaha illallah tout en croyant également que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans ce cas-là tu as compris que ces deux choses-là sont ensemble et rentrent ensemble. Mais si tu dis je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah hein, la ilaha illallah, mais tu dis pas je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, alors dans ce cas-là on va dire t'es un kafir. On va dire t'es un kafir en Allah subhanahu wa ta'ala, tu as rejeté la foi en Allah parce que tu as nié ton témoignage de la ilaha illallah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc si Allah subhanahu wa ta'ala donc il dit fa'iza kafarta, donc il dit si tu rejettes la foi en le messager, c'est comme si tu as rejeté la foi en celui qui a envoyé ce messager-là, c'est-à-dire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il faut comprendre que la foi en le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est quelque chose qui est relié ensemble, qui est impliqué. Ça va ensemble, un ne peut pas se séparer de l'autre. قال وإقام الصلاة لم يقل وأن تصلي لأنه ليس المقصود وجود الصلاة وإنما المقصود أن تقام على حقيقتها بأركانها وواجباتها وشروطها مع إخلاصها لله عز وجل فلا بد من هذا. أما من أتى بصورة الصلاة من الركوع والسجود من غير طمأنينة أو بإخراجها عن وقتها بغير عذر أو ترك الصلاة مع الجماعة فهو لم يقم الصلاة فإما أن لا يقيمها أصلا وتكون صلاته باطلة أو لا يتم إقامتها بترك الجماعة أو إخراجها عن وقتها بغير عذر والذي يخرجها عن وقتها بغير عذر صلاته باطلة لأنه لم يصل الصلاة التي أمر الله بها. والله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الشيخ explique ici qu'on doit également, comme le deuxième pilier de l'islam après le témoignage, c'est d'établir la salat. Et il dit, le cheikh, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit prier, il a dit établissez la salat. Et le but c'est pas juste de faire la salat, le but c'est qu'elle soit établie dans sa réalité, dans ses piliers, dans ses obligations, dans ses conditions et dans tout ce que ça implique, avec la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et al-ikhlas. Donc tout ça, ça doit être réuni. Et donc celui qui vient juste avec l'apparence de la prière, il fait les gestes, le recours, le sujoud, mais il n'a pas la concentration, il n'a pas la sérénité dans son cœur quand il l'a fait, il n'est pas en paix dans sa prière, hein, dans son cœur, ou bien qu'il l'a fait, mais il l'a fait sortir de son temps, sans excuse, il attend que le temps de la prière soit complètement sorti, puis là il l'a fait, ou bien qu'il abandonne la prière avec le groupe, avec la jama'a, et dans ce cas-là, il n'a pas établi la salat. Mais si il l'établit, donc soit il n'établit pas comme il faut à la base, il n'établit pas du tout à la base, donc dans ce cas-là sa prière va être nulle, elle ne va pas être valable, ou bien qu'il ne l'établit pas dans le sens qu'il ne l'établit pas comme il faut en abandonnant la jama'a, ou bien en la faisant sortir de son temps sans excuse valable. Donc celui qui fait sortir sa prière de son temps sans excuse valable, alors sa prière elle n'est pas bonne, elle ne sera pas acceptée, elle est vaine, elle est nulle. Pourquoi? Parce que Allah nous a ordonné de prier, et celui qui retarde la prière de son temps, eh bien, qu'il a fait sortir complètement de son temps, il n'a pas prié la prière que Allah lui a ordonné de faire, il a prié selon ses désirs. Et dans le verset 103, dans Surat Al-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit la prière est certes, la prière pour les croyants, c'est certes quelque chose qui a été ordonné dans un temps bien spécifique et bien précis. Donc tu ne peux pas prier quand tu veux et comme tu veux. Comme certains qui réunissent leurs prières à la fin de la journée, les prient d'un seul coup. Le chef, il va mentionner ça tout à l'heure, on va voir. Donc le chef, il dit, Allah a'lam afi. Donc c'est la fitna dans laquelle on est, tu vois. Après le chef dit, فَاللَّهُ لَا يَقْبَلُ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذَا الْوَقْتِ الَّذِي حَدَّدَهُ لَهَا فَإِذَا أَخْرَجْتَهَا عَنْ وَقْتِهَا لَمْ تُصَلِّي مَا أَمَرَكَ اللَّهُ إِنَّمَا صَلَّيْتَ عَلَى حَسْبِ هَوَاكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَعْذُورًا بِنَوْمٍ غَلَبَكَ أَوْ نِسْيَانٍ طَرَأَ عَلَيْكَ أَوْ كُنْتَ ممن يباح له الجمع وأردت أن تجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء فهذه الأحوال لا بأس بها وتكون صلاتك صحيحة لأنك معذور. Le Cheikh explique, il dit que Allah سبحانه وتعالى ne va pas accepter ta prière si tu ne la fais pas dans ce temps, dans les temps qu'il a spécifié, dans le temps qu'il a délimité pour ces prières-là. Donc si tu fais sortir la prière de son temps que Allah a prédéterminé pour ces prières-là, alors tu n'as pas prié la prière qu'Allah t'ordonne de faire. Mais tu as prié uniquement selon tes passions, selon ta passion et tes désirs. Hein? Et excepté si tu as une excuse, comme par exemple le sommeil t'a réussi à te prendre. C'est-à-dire le sommeil t'a pris le dessus sur toi, puis t'as pas pu te réveiller à temps. Donc, dans ce cas-là, tu vas être excusé. Ou bien, t'as oublié que c'était la prière. Ou bien, tu fais partie des gens qui ont le droit de réunir deux prières parce qu'ils sont, par exemple, en voyage, ou des choses comme ça. Donc, dans ce cas-là, tu vas réunir et tu vas attendre. Par exemple, tu veux prier le Dhuhr et l'Asr ensemble, donc tu vas attendre. Tu vas pas prier le Dhuhr tout de suite, tu vas attendre que jusqu'à ce que l'Asr arrive, et tu vas prier le Dhuhr et l'Asr ensemble. Hein? Donc ça c'est un exemple de cas où il y a des excuses dans la charia pour ça. Ou bien le Maghrib avec le Isha. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, et ta prière va être valable, Inch'Allah. Parce que tu es excusé. Il dit, « Amma man taraka al-jama'a li ghayri udrin » أو أخر الصلاة عن وقتها لغير عذر فإنه يكون مضيعا للصلاة وليس المراد بتضييع الصلاة تركها وإنما المراد بتضييعها تضييع الوقت قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة يعني أخروها عن مواقيتها بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون سماهم الله مصلين وتوعدهم بالويل مع أنهم يصلون والسبب أنهم عن صلاتهم ساهون والسهو عن الصلاة هو إخراجها عن وقتها من غير عذر فهذه صلاة لا تقبل عند الله وهي صلاة مضيعة أما الذي يترك الصلاة نهائيا فهذا كافر لأنه هدم ركنا من أركان الإسلام بل هدم الركن الثاني بعد الشهادتين الذي هو عمود الإسلام كما في الحديث. الشيخ explique ici, il dit, celui qui abandonne la prière en jama'a sans excuse, ou bien qui retarde la prière de son temps sans excuse, alors il a manqué sa prière, il a disons, c'est comme si en fait il a gaspillé sa prière, il a perdu sa prière. Et ça ne veut pas dire qu'il a perdu sa prière en l'abandonnant, ça veut seulement dire qu'il a perdu sa prière dans le sens qu'il l'a retardé de son temps, il l'a retardé de son temps. Et il donne l'exemple dans le verset 4 et 5 dans Surat Al-Ma'un. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne le verset 59 dans Surat Maryam avant, qui dit, et il y a des gens qui ont suivi par la suite, qui ont abandonné la salat, ou qui ont gaspillé, disons, qui ont perdu la salat. C'est-à-dire, ils ont, comme le cheikh il dit, ils l'ont fait sortir de son temps. Adha ou salat, c'est-à-dire, ils l'ont fait sortir de son temps. Ça ne veut pas dire de l'abandonner ici. Et après, il mentionne le verset 4 et 5 dans Al-Ma'oun. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, alors malheur à ceux qui prient et qui sont négligents dans leur prière, qui sont insouciants dans leur prière. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala les appelle des gens qui prient, il les appelle des musallin, et il les a menacés de Al-Wail. Hein, Al-Wail, certains ont dit que c'est le malheur, ou bien d'autres ont dit que c'est une vallée dans l'enfer, où seront punis les gens qui négligeaient la prière. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala les appelle des musallim. Et il les a menacés de Al-Wail, malgré qu'ils faisaient la salat. Et la raison pourquoi ils ont été menacés, c'est parce qu'ils étaient sahoun, ils étaient négligents par rapport à leur prière, et ils la laissaient sortir de leur temps, sans excuse. Donc cette prière-là, elle ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça la prière qui est perdue ou qui est gaspillée. Mais en ce qui concerne, il dit, celui qui abandonne complètement la prière, il ne prie jamais, celui-là il est kafir, parce qu'il a détruit un des piliers parmi les piliers de l'islam, et c'est le deuxième pilier après le shahadatain, après le témoignage de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc c'est le pilier de la religion en entier, comme c'est mentionné dans le hadith qu'on va lire plus loin. Le cheikh il dit, فَالصَّلَاةُ شَأْنُهَا عَظِيمٌ وَلَا يَتَهَاوَنُ بِالصَّلَاةِ مَنْ فِي قَلْبِهِ إِسْلَامٌ وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَيْهَا وَيُقِيمَهَا في أوقاتها. هذه هي الصلاة النافعة التي تبرأ بها الذمة. أما الذي يصلي حسب هواه فينام ويتعمد النوم ويقول متى ما قمت من النوم أصلي، فيصلي الفجر بعد شروق الشمس أو قبيل الظهر، وبعضهم يجمع أوقات النهار في الليل ويصليها كلها في وقت واحد. يقول الذي يقبلها متفرقة يقبلها مجتمعة، هذا باطل والعياذ بالله، هذا مستهزئ وسافر بالله عز وجل. Le Cheikh explique ici, il dit que la salat, elle est très très importante. Et celui qui néglige dans sa prière, hein, eh bien ça c'est pas possible s'il a de l'islam dans son cœur. On ne trouve pas quelqu'un qui a de l'amour pour de l'islam dans son cœur et puis qui néglige la salat. Il dit que c'est obligatoire pour le musulman de préserver sa salat et de l'établir dans son temps, parce que cette salat, si elle est faite et qu'elle est faite comme il faut, elle sera bénéfique et elle va effacer donc les péchés. Et elle sera suffisante dans le sens que si tu l'as fait comme il faut dans son temps, eh bien tu vas être épargné de l'obligation par la suite. T'as rempli ton devoir et ta responsabilité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu es par la suite tabra'u biha dhimma, yani elle est correcte ta prière, ou bien elle est acceptée, t'as plus d'obligation. Mais ça c'est si tu la préserves et que tu la fais comme il faut dans son temps, etc. Mais si tu la fais selon ta passion et que tu dors et tu fais exprès pour dormir alors que tu sais que c'est l'heure de la prière et des choses comme ça, alors tu dis par exemple, quand je vais me lever je vais prier, peu importe que tu dépasses l'heure de Fajr, hein, tu dis quand je vais me lever je vais prier, même si le soleil se lève déjà puis t'as pas prié le Fajr, c'est pas grave, ou bien tu l'as prié un peu avant le Zohor. Hein, et il y en a même qui réunissent toutes les prières de la journée, ils les réservent, ils les mettent toutes ensemble, puis ils les prient toutes le soir, d'un seul coup. Le cheikh, il dit, celui qui fait ça, il dit que si Allah les accepte séparément, il va les accepter réunis. il s'imagine ça, et le cheikh il dit ça c'est faux. Il dit celui qui fait ça, il est en train de se moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se railler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit قال وإيتاء الزكاة الزكاة قرينة الصلاة وهي حق واجب في أموال الأغنياء للفقراء قال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم فهي فرض وليست تبرعا وإنما هي فرض وركن من أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة فالذي يصلي ولا يزكي فقد ترك ركنا من أركان الإسلام فإن كان جاحدا لوجوبها لوجوب الزكاة فهو كافر وإن كان معترفا بوجوبها ولكن منعها بخلا فهذا يأخذها ولي الأمر منه قهرا لأنه حق عليه فيأخذها منه كما يأخذون الديون التي للناس في ذمته إذا أبى أن يسددها فإذا كان للقاضي أن يأخذ من ماله ويسدد ديونه من غير إذنه ومن غير رضاه فالزكاة من باب أولى لأنها حق لله عز وجل ولذلك قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذين منعوا الزكاة لأنهم منعوا حقا واجبا عليهم لغيرهم فالزكاة إذن شأنها عظيم. Donc le cheikh est-ce qu'il explique ici, il dit que la zakat aussi, ça c'est le troisième pilier, le troisième pilier dont le cheikh a parlé ici, et c'est la compagne de la prière. La zakat c'est la compagne de la prière, on la trouve toujours mentionnée ensemble presque dans le Coran. Wa aqimu s-salat wa atu zakat, toujours les deux vont ensemble. Donc c'est un droit qui est obligatoire dans les biens des riches pour les pauvres. Et Allah SWT il mentionne dans le verset 19 dans Surat al-Zariyat, et dans leurs biens il y a un droit pour la personne qui demande et pour la personne qui a été déshéritée. Donc ça c'est une obligation, hein, c'est pas un acte de charité, au contraire c'est une obligation religieuse que tu dois donner absolument. Et c'est quelque chose d'obligatoire, c'est un des piliers parmi les piliers de l'islam, et c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est le compagnon de la salat. Donc celui qui prie mais qui fait pas la zakat, qui donne pas la zakat, alors il a obéi, il a abandonné un des piliers parmi les piliers de l'islam. Et s'il ne l'a pas donné parce qu'il nie son obligation, dans ce cas-là, il est kafir. S'il nie l'obligation de la zakat, il est kafir. Mais s'il reconnaît son obligation mais qu'il la garde par avarice, il refuse de la payer par avarice, alors celui-là, le dirigeant, va la prendre de sa part, mais par force. Il va lui enlever par la force, parce que c'est un droit qui est sur lui. Donc il va prendre, il dit de la même manière qu'on va prendre de l'argent de la personne qui est endettée, qui a des dettes chez les gens, on va lui prendre son argent pour payer ses dettes à sa place, même sans sa permission et sans sa volonté, sans qu'il soit satisfait de ça, parce que ça c'est le droit des gens. Donc, par exemple, toi t'as des dettes, tu dois de l'argent à des gens, et tu as de l'argent pour les payer, mais tu refuses de les payer pour des raisons quelconques, qui sont pas correctes, qui sont pas valables. Dans ce cas-là, le juge va juger que tu dois leur remettre leur argent, et il va te forcer à remettre l'argent. Donc si c'est comme ça dans le cas d'un droit qui a rapport avec yani, Allah, parce que c'est le droit de l'argent, dans ce cas-là, la zakat, encore plus, que tu dois lui enlever par la force et sans sa permission, et de la distribuer à ceux qui la méritent ou à ceux pour qui elle doit être donnée, distribuée. Parce que la zakat c'est un droit d'Allah, comme le cheikh a dit, puis Abu Bakr en a fait dire, c'est pour cette raison-là qu'il a combattu ceux qui refusaient de donner la zakat à son époque, parce qu'ils ont refusé de donner un droit qui est obligatoire sur eux. ترك حقا واجبا عليهم لغيرهم un droit qui est obligatoire pour eux sur eux pour autres que eux c'est-à-dire pour d'autres personnes aux pauvres il doit donner la zakat aux pauvres et donc la zakat c'est quelque chose de très important ensuite le cheikh dit وصوم رمضان قال وصوم رمضان فهو الركن الرابع من أركان الإسلام فمن كان يستطيع الصيام عداء فإنه يجب عليه ومن كان له عذر شرعي فإنه يفطر ويقضي لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه والذي له عذر كالمريض الذي لا يستطيع الصوم أو المسافر مسافة قصر فإنه يفطر من رمضان بقدر الحاجة ثم يقضي من أيام أخرى لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى اوكي داكور للشيخ الزي donc il faut absolument aussi également comprendre le quatrième pilier de l'islam qui est le jeûne. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Hamza. Donc ensuite le cheikh il dit donc que le jeûne du Ramadan, c'est le quatrième pilier de l'islam. Et donc celui qui n'est pas capable de jeûner. Non, il dit celui qui est capable de jeûner ada'an, c'est-à-dire celui qui est capable de jeûner durant le mois de Ramadan, alors c'est obligatoire pour lui. Parce que c'est bon, une obligation pour les croyants. Ensuite, celui qui a une excuse valable, légale, islamique, pour ne pas jeûner, alors lui, dans ce cas-là, il va briser son jeûne durant le Ramadan, mais il va refaire les jours par la suite qu'il a manqué, dans des cas où il est excusé de jeûner, comme Allah il le dit dans le verset 185 dans Surat al-Baqarah, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ Celui d'entre vous qui est présent au moment où le jeûne du Ramadan arrive, alors qu'il le jeûne, qu'il fasse son jeûne. Et celui qui a une excuse, comme par exemple celui qui est malade, ou n'est pas capable de jeûner, ou bien celui qui est en voyage, et qui fait un voyage d'une distance qui te permet de rassembler des prières et de les raccourcir. Donc celui-là, il a la permission dans le Ramadan de briser son jeûne selon la nécessité qu'il a. Puis ensuite, il va reprendre les jours qu'il a manqués par la suite, comme Allah dit dans le verset 185 dans Sourate Al-Baqarah, ومن كان منكم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى Celui qui est malade ou bien en voyage, alors qu'il reprenne d'autres jours plus tard. C'est-à-dire qu'il va reprendre ces jours qu'il a manqués plus tard par la suite. Le cheikh dit, فلا بد من صوم رمضان إما أداء وإما قضاء لأهل الأعذار ولا يجوز ترك الصيام بحال من الأحوال ما دام عقل الإنسان باقية فإنه لا بد أن يصوم إذا كان يقدر على الصيام أما إذا كان لا يقدر على الصيام فإن كان لعذر يرجى زواله فإنه يفطر ويقضي وإن كان لعذر لا يرجى زواله مع بقاء عقله وفكره فإنه يطعم عنه لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فيطعم عن كل يوم مسكينا الشيخ explique il dit que celui qui est en voyage comme on a dit il doit faire les jours plus tard il dit il faut absolument jeûner le ramadan donc soit que tu le fais pendant le ramadan ou soit que tu reprends les jours que tu as manqué si tu fais partie des gens qui sont excusés tu reprends les jours que tu as manqué par la suite parce que le cheikh il dit qu'il n'est pas permis d'abandonner le jeûne en aucun cas. Soit que tu le fais dans le Ramadan ou soit que tu les reprends après si tu as été excusé pour d'avoir jeûné de ne pas avoir jeûné, t'es excusé parce que tu voyageais ou bien t'étais malade, et là tu les reprends plus tard. Le cheikh il dit, il n'est pas permis d'abandonner le jeûne, du tout, peu importe les circonstances. Mais, tant que t'as raison, il dit tant que t'as ta raison, encore, qui reste, eh ben tu dois reprendre le jeûne et faire ton jeûne si t'es capable de jeûner. Mais si t'es pas capable de jeûner du tout, dans le sens que t'as une excuse, mais que, comme par exemple une maladie ou quelque chose qui t'empêche de jeûner, non pas pour quelque chose qui va s'arrêter bientôt, mais une maladie qui est constante, comme quelqu'un qui a une maladie qui reste toujours, qui se guérit pas. Eh ben, dans ce cas-là, lui, il est excusé, et il, au lieu de jeûner, il va nourrir un pauvre pour les jours qu'il a manqué. Donc, pour chaque jour qu'il a manqué, il va nourrir un pauvre. Parce qu'il n'espère pas que cette, que ce problème de santé-là qu'il a soit guéri bientôt. Et il a toujours sa, malgré qu'il a toujours sa raison. Comme les diabétiques, par exemple, qui prennent de l'insuline et qui doivent se piquer ou bien qui doivent contrôler leur taux de sucre dans leur sang, que s'ils jeûnent, ils risquent de tomber sans connaissance ou quelque chose comme ça, et bien ceux-là, ce n'est pas quelque chose qui se guérit dans leur cas, donc ils ne peuvent pas jeûner dans certaines situations, ils ne peuvent pas jeûner si leur diabète est très avancé ou très sévère. Barakallahu fik. Donc c'est ça, puis le chef ensuite il parle du dernier pilier de l'islam, c'est le hajj. Il dit waqala wa hajjul bayt wa hajju baytillah al-haram wal hajj huwa ar-rukn al-khamis min arkan al-islam wa huwa la yajibu 'ala al-muslim illa marratan wahidatan fi al-umr wal hajj lughatan al-qasd وشرعا هو قصد البيت الحرام لأداء العبادة من طواف وسعي ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة وبمنى ورمي للجمار فهذا الحج ركن من أركان الإسلام ونظرا لكونه شاقا يأتي ويأتيه الناس من أقطار الأرض منها القريب ومنها البعيد فإن الله أوجبه على المستطيع بماله الذي عنده ما يكفي لسفره وذهابا وإيابا وعنده ما يكفي لأولاده وأولاد وأهل بيته حتى يرجع فهذا يجب عليه الحج فإن كان يقدر عليه بنفسه حج بنفسه وإن كان لا يقدر عليه بنفسه و عجزه مستمر فإنه ينيب من يحج عنه وإن كان وإن مات ولم يحج فهو مستطيع فعلى ورثته أن يخرج من تركته ما يحج به عنه لأن هذا ركن من أركان الإسلام أما الذي لا يستطيع لأنه ليس عنده مال فهذا لا حج عليه وإن كان يستطيع من ناحية المال ولكن لا يستطيع من ناحية البدن فإن كان يرجى زوال عذره فإنه ينتظر حتى يقدر ويحج وإذا كان لا يرجى زوال عذره لأنه كبير هارم أو مريض مرضا مزمنا فهذا ينيب من يحج عنه فالحاصل أن هذا الحديث مكمل لحديث عمر ومبين له ولذلك ذكره المصنف بعده. Donc, le cheikh explique, il dit que le hajj, c'est le hajj à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la maison sacrée, al-haram, et c'est le cinquième pilier de l'islam, parmi les piliers de l'islam, et c'est seulement obligatoire pour un musulman une seule fois dans la vie. Il dit, le cheikh, que le hajj, dans la langue arabe, ça veut dire l'intention et al-qasd, c'est ça, l'intention, et c'est-à-dire d'avoir l'intention ou d'avoir comme objectif d'aller à la maison sacrée pour établir l'adoration du Hajj. Ça c'est dans la signification religieuse ou selon la charia. Donc tu vas là-bas pour établir l'adoration, de faire le tawaf, de faire le sa'i, de tenir sur Arafat, de dormir à Muzdalifa et à Mina, et de lancer les jamarat, etc. dans tous les rituels. Donc ça c'est le Hajj, et c'est un des piliers de l'islam. Et étant donné que c'est quelque chose qui est très lourd, très difficile, et que les gens viennent de tous les contrées du monde, et il y en a qui viennent de loin, il y en a qui viennent de près, Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de ça, Allah l'a ordonné seulement à celui qui a la capacité avec ses biens. C'est-à-dire celui qui a assez de biens pour faire son voyage, aller-retour, et qui a assez de biens pour ses enfants et sa famille, jusqu'à ce qu'ils reviennent, alors celui-là, c'est obligatoire pour lui de faire le Hajj. Mais s'il n'est pas capable par lui-même de faire le Hajj par sa personne, parce qu'il est malade ou qu'il est faible, il a une incapacité, puis que cette incapacité-là, elle est permanente, c'est-à-dire il ne va jamais être capable, alors dans ce cas-là, il va payer à quelqu'un le Hajj pour le faire à sa place. Il va demander à quelqu'un qui a déjà fait le Hajj pour lui-même de faire le Hajj pour lui, lui donne de l'argent, puis cette personne-là va partir faire le Hajj en son nom, pour lui, dans ce cas-là. Et ça, c'est correct. Si la personne, pas quelqu'un qui n'a pas fait le Hajj, si quelqu'un n'a pas déjà fait le Hajj pour lui-même, il doit faire d'abord pour lui-même, avant de faire pour quelqu'un d'autre. Il y a un hadith même qui est rapporté à ce sujet-là, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme qui est venu, il a dit, il a entendu faire un homme qui a dit labbaik allahumma hajjan ou labbaik allahumma an shibrima, de mentionner le nom de quelque chose. Et le prophète sallam lui a demandé, est-ce que tu as fait le hajj pour toi-même? Il a dit non. Le prophète sallam lui a dit, fais le hajj pour toi-même, après fais le hajj pour shibrima. Tu vois? Donc ça c'est la preuve que tu dois faire le hajj pour toi-même avant de le faire pour quelqu'un d'autre. Mais si, comme par exemple quelqu'un qui est malade, qui a les moyens, il paye quelqu'un pour aller faire le hajj à sa place, quelqu'un qui l'a déjà fait. Mais si la personne est déjà morte, et qu'elle n'avait pas fait son hajj, et qu'elle a laissé de l'argent à ses héritiers, alors dans ce cas-là, le cheikh il dit, les héritiers doivent, on doit faire sortir une partie de son argent, de son héritage, pour payer à quelqu'un le hajj pour qu'il fasse à sa place. Donc ça veut dire que si quelqu'un meurt et il a laissé de l'argent de côté, après sa mort, on doit prendre de cet argent-là, après avoir payé les dettes et tout, une partie de l'argent pour lui permettre d'aller à quelqu'un de faire son hajj à sa place. D'accord? Et il dit que, donc c'est ça, l'argent qu'il a laissé, ça c'est un des piliers parmi les piliers de l'islam. Il dit, mais celui qui n'est pas capable, qui n'a pas d'argent non plus, alors celui-là, il n'a pas d'obligation de faire le hajj. Parce qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas la capacité, il n'a pas les moyens. Donc lui, il est excusé de ne pas faire son hajj, ce n'est pas obligatoire pour lui. Il dit, لأنه ليس عنده مال, donc lui, il n'a pas d'obligation. وإن كان يستطيع من ناحية المال ولكن لا يستطيع من ناحية البدن فإن كان donc il dit si la personne n'est pas capable dans le sens qu'il n'a pas l'argent non il est capable financièrement il a l'argent mais il n'est pas capable physiquement alors s'il espère être guéri de ce qu'il a comme maladie qui l'empêche physiquement d'y aller alors dans ce cas-là il attend jusqu'à ce qu'il soit capable de faire son hajj. Mais si il n'espère pas que cette maladie-là soit guérie, ou cet empêchement-là qu'il a physique, il ne pense pas que ça va s'en aller, alors dans ce cas-là, il est excusé. Là. Comme par exemple quelqu'un qui est très âgé, très vieux, ou qui est malade, mais il y a une maladie qui continue, qui va durer avec lui. Alors dans ce cas-là, s'il a les moyens, il va payer à quelqu'un le hajj à sa place. Donc c'est ça. Donc si sa maladie va guérir, il attend jusqu'à ce qu'il guérisse, puis après ça, il va faire son hajj quand il va être capable. Mais s'il ne pense pas qu'il va pouvoir guérir, parce qu'il est trop vieux ou bien parce qu'il est malade, il va payer à quelqu'un le hajj pour faire le hajj à sa place. C'est ça que le chef a expliqué. Il dit donc, en résumé, tout ce hadith qu'on a lu aujourd'hui, le troisième hadith, dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, c'est le hadith numéro 3, c'est disons que ça vient compléter le hadith de Jibril qu'on a expliqué dans les cours précédents, et ça vient le clarifier. Et c'est pour ça que l'imam al-Nawawi l'a mentionné tout de suite après le hadith de Jibril. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et puis demain, Inch'Allah, on va continuer. Aujourd'hui, c'est... Donc on va s'arrêter ici tout de suite, Inch'Allah, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayhi.